si belle, si pure était l'air, si bleu était le ciel, comme l'existence était paisible avant, comme les jours sont mornes et tristes maintenant. Vilaine sorcière, méchante sorcière, tu as bien de mauvaises manières. Vilaine sorcière, méchante sorcière, nez crochu, ton cœur est feu de pierre. Nous avons joué de malchance un beau matin. Le hasard nous a fait croiser ton chemin. D'un coup de paquette, tu nous as transformés en pendule et commode pour l'éternité. Vilaine sorcière, méchante de sorcière, tu as bien de mauvaises manières. Vilaine sorcière, méchante sorcière, nez crochu, ton cœur est fait de pierre. À ce moment retentit un cri. C'est le hibou. C'est Sirius, il nous prévient de l'arrivée de la sorcière. Vite, cachez-vous derrière moi. Les deux meubles reprennent leur place et les souris se cachent derrière la pendule. Et voici Nez Crochu, la terrible sorcière, qui entre. Eh bien, maudit hibou! Mais qu'avait-il donc à crier de la sorte? Une chance pour lui que je n'avais pas ma baguette magique, sinon... On trouve ça le souillon, affreux comme un laidron. C'est vrai, mes ongles sont longs. J'ai du poil au menton, nul s'approche de ma maison. Je me demande pour quelle raison. Oui, je suis la sorcière, on est crochu, les cheveux. Oui, je suis la sorcière, on est crochu, je m'abaisis. Si ma chaumière est remplie d'araignées de chauves-souris, c'est pour me tenir compagnie. Oui, j'ai quelques défauts, je déteste ce qui est beau. J'en sors celle quand il le faut. Oui, je suis la sorcière, on est crochu, les cheveux touffus. Oui, je suis la sorcière, on est crochu, je me barre dessus. S'affaire dans sa maison, tandis que Terrifique, son chat, se réveille. Oh, Bonjour, maîtresse. Ah, te voilà enfin réveillée. Et dis-moi, terrifique, n'as-tu rien remarqué pendant mon absence? Je ressens comme une présence étrangère ici. Non, maîtresse, mais il m'a semblé en train de parler tout à l'heure. Tiens, tiens, et quelqu'un se serait donc introduit ici? Voyons s'il ne me manque rien. Voilà la potion dans ce flacon rouge qui change les personnes en statues de pierre. Et celle-ci dans le flacon bleu qui a le pouvoir de guérir tous les sortilèges. Toutes les autres n'ont aucun pouvoir magique, donc c'est bon, tout est là. Mais ceci est bien étrange. Et maintenant, écoutez bien ceci. Pour bien réussir une potion, il n'y a pas 36 façons. Prenez de la bave de crapaud, ajoutez de la purée d'asticot, 3 ou 4 pattes d'araignée, puis quelques poils de sanglier. Mélangez avec des vers de terre, un peu de venin de vipère, une poignée de fourmis noires et une langue de tamanoir. Puis coupez en rondelles une limace et écrasez-la avec de la mélasse. Rajoutez une oreille de lapin, un peu de poudre de perlimpinpin, 2 ou 3 pinces de scarabée et une chauve-souris hachée. Préparez une bouillie de cafard et jetez 2 yeux de renard. Une pincée de piment fort et un petit coin de porc. À cette mixture, ajoutez autant de légumes que vous voulez. Pourvu bien sûr qu'ils soient avariés. Puis enfin, versez tout ceci dans un chaudron et faites chauffer un gros bouillon. Ensuite, répétez plusieurs fois scarabée, scarabot, scarabois, et vous obtiendrez sur l'heure un breuvage en sorceleur. Mais assez de bavardage. Bon, terrifique, je vais chercher le bois. Surveille bien la maison pendant mon absence. Et la sorcière sort de chez elle. La maîtresse étant sortie, rien ne m'empêche de faire une petite sieste. Allez, au dodo. Et terrifique le chat se recouche. Hé, hey, psst, petite souris, c'est bon, vous pouvez sortir. Terrifique s'est rendormi. Mirette et Nimbus sortent de leur cachette. Nimbus, tu as entendu la sorcière? C'est le flacon bleu qui contient la potion qui guérira Philémon. Oui, oui, allons vite la chercher avant son retour. Les deux souris s'approchent de l'étagère. Mirette s'empare du flacon bleu, tandis que Nimbus prend le flacon rouge. Ah, oh, j'ai bien envie de jouer un vilain tour à cette sorcière. Je vais verser le contenu de ce flacon dans son verre. D'après ce qu'elle a dit, cette potion transformerait quiconque la boit en statue de pierre. Tu crois que ça va marcher? Nous verrons bien. Nimbus verse la potion du flacon rouge dans le verre sur la table. Mais pendant ce temps, Terrifique s'est réveillé et tout doucement s'approche des souris qui ne le voient pas arriver. Et alors, mes jolies, on s'amuse bien? Les souris poussent un cri et se sauvent vers la porte, mais Terrifique leur barre la route. Ah, on croyait pouvoir s'échapper. Je vais vous attraper, mes belles. Les souris et le chat se poursuivent dans la pièce. Les souris se retrouvent finalement coincées entre la pendule et la commode. Le chat s'approche, menaçant. Nimbus, nous sommes perdus! Hélas, oui, Mirette, je crains que tu aies raison! Mes jolies, je vous trouve très à mon goût! Quel festin je vais faire! Mais soudain, à ce moment, la pendule et la commode s'avancent et coincent le chat. Vite, vite, mes amis, sortez de là! Alors, Terrifique, tu ne t'attendais pas à cela. Merci. Sans vous, nous aurions été dévorés par Terrifique. C'est Sirius. Vite, vite, Nécrochu est de retour. Cachons-nous sous la table. Et tandis que les souris courent se cacher, la commode et la pendule reprennent leur place. Et toi, Terrifique, si tu parles ou si tu bouges, je t'écrase contre le mur. Et Nécrochu entre, un gros fagot de bois sur l'épaule. Tiens, Terrifique n'est pas là. Maudit chat. Je lui avais pourtant dit de surveiller la maison. Oh là là. Ramasser du bois, c'est bien, mais tout cela m'a donné soif. La sorcière, apercevant son verre plein sur la table, le boit. À peine le liquide avalé, elle lâche son verre. Ses mains et ses bras devenus soudainement très durs. Et finalement, tout son corps se retrouve transformé en pierre. Elle ne bouge plus, figée pour l'éternité en statue. Oh, on dirait qu'elle ne bouge plus. Elle a dû boire son verre rempli de potions. Allons voir. Les souris sortent avec précaution de leur cachette. Elles s'approchent de la sorcière, la touchent, puis rassurées, laissent éclater leur joie. Elle ne bouge plus. Nous avons réussi, Mirette. Plus jamais Nécrochu ne fera de mal. Fini les horribles sortilèges. Youpi! Hurra! Youpi, youpi, youpi! Nous avons réussi! Nous avons réussi! La commode s'avance un peu, libérant le chat. Et toi, Terrifique, maintenant file et ne reviens plus jamais par ici, sinon tu subiras le sort de ta maîtresse. Le chat, complètement affolé, s'enfuit à toutes jambes. Et maintenant, mes amis, je vais avec cette potion bleue vous rendre votre aspect normal. Vous allez pouvoir redevenir comme avant. Mirette verse le contenu de la potion sur la commode et la pendule. Aussitôt, un éclair bleuâtre jaillit dans la pièce, suivi d'un nuage de fumée envahissant toute la maison. Quand celui-ci s'est dissipé, Longbec et Koukak ont repris leur apparence normale. Ah, qu'il est bon de pouvoir se détendre et s'étirer à nouveau. Jouer la pendule, j'en avais assez. Haut sur pattes et mon bec en long, je me trouve bien mieux en héron. Oh oui, moi j'en avais assez de rester immobile. Désormais, nous voilà délivrés de cette affreuse sorcière et de ses sortilèges. Et maintenant, j'ai hâte de revoir ma jolie mare et ses nénuphars. Enfin libre, quel bonheur! Allez, ne perdons pas de temps! Philémon doit nous attendre! Vous, les amis, courez chercher tous ceux qui nous ont aidés dans cette aventure! Et retrouvons-nous tous chez Mirette! Et tandis que Koukak et Longbec partent de leur côté, Nimbus et Mirette se hâtent vers la maison de cette dernière pour y retrouver leur ami Philémon. Après un parcours sans embûche, nos deux souris arrivent enfin en vue de la maison. C'est avec un grand soulagement qu'elles y retrouvent leur compagnon. Plus tard, arrivent Longbec et Koukak, suivis de Sirius le hibou et des deux petits cochons. Les retrouvailles sont chaleureuses et tous racontent à Philémon l'extraordinaire aventure qu'ils ont vécue et partagée. L'oiseau, ému, remercie sincèrement tous ses amis. Puis, le silence revenu, Sirius le sage prend la parole. Ces souris ont usé de malice. Finis sortilèges et maléfices. Tout sera tranquille désormais. Le calme régnera dans cette forêt. La la la la la la la la la la la la la. Que c'est bien, que c'est bon de revoir sa maison, de revoir son logis fatigué mais ravi. Que c'est bon la vie, les retrouvailles. avec tous nos amis. Nous faisons le récit de nos péripéties. Calmés et rassurés, maintenant endormis, douce sera la nuit, pleine de rêves jolis. Ah, que c'est bon la vie, les retrouvailles aussi. Ah, quel bonheur de revoir nos petites souris. Voilà, cette histoire est maintenant terminée. Eh oui, hélas, tout a une fin. J'espère toutefois que cela t'a plu. Alors si tu as aimé les personnages de Nimbus et Mirette, tu peux les retrouver pour la suite de leurs aventures dans un conte intitulé « Promenade sur le lac ». Les deux souris dans cette nouvelle histoire vont encore vivre des moments palpitants et faire des rencontres inattendues. Alors, à bientôt.